Chapitre 11. La prairie, terreur d'Ernest, combat contre les ours, la terre de porcelaine, le condor et le rubu. Toute la troupe fut bientôt sur pied pour reprendre sa route interrompue. Nous marchions maintenant au milieu d'une fertile vallée couverte d'un riant gazon et entrecoupée de bosquets délicieux. Cette contrée faisait un agréable contraste avec le désert que nous venions de parcourir. La vallée se prolongeait pendant une longueur d'environ 2 lieues en côtoyant la chaîne de montagnes qui faisait la frontière de notre domaine. Sa largeur était d'une demi-lieue. Elle était arrosée dans toute son étendue par le ruisseau dont nous venions de visiter la source, mais dont le cours, grossi par de nouvelles eaux souterraines, donnait la vie et la fécondité à cette délicieuse contrée. Ça et là, dans l'éloignement, nous apercevions des troupeaux de buffles et d'antilopes qui paissaient tranquillement. Mais à la vue de nos chiens qui nous précédaient toujours de quelques centaines de pas, ils partaient comme l'éclair et ne tardaient pas à se perdre dans les profondeurs de la montagne. La vallée qui se dirigeait insensiblement vers la gauche ne tarda pas à nous amener en face d'un coteau que nous reconnûmes avec chagrin pour celui qui nous avait servi de lieu de repos dans la matinée. Voyant avec regret que cette longue marche ne nous avait pas offert une seule pièce de gibier à portée de fusil, je résolus de faire tous mes efforts pour ne pas rentrer sans quelque capture. En conséquence de cette détermination, nous prîmes chacun un des chiens en laisse afin qu'ils ne missent pas plus longtemps obstacle à nos projets. Nous avions encore une demi-heure de marche jusqu'à la grotte du Chacal, dont la voûte devait nous servir de gîte pour le reste du jour. J'avais fait une halte de quelques instants afin de soulager Fritz et Jack de leur fardeau, tandis qu'Ernest continuait sa route pour jouir plutôt des douceurs de la grotte. Tout à coup, nous entendîmes de son côté un cri d'alarme suivi d'aboiements furieux et d'un long hurlement que l'écho semblait répéter. À l'instant, tout fut abandonné pour voler au secours du pauvre Ernest. Au moment même, nous le vîmes accourir sans chapeau et pâle comme la mort, et il vint tomber dans mes bras en s'écriant « Un ours ! Un ours ! Il vient, le voici !» C'est ici qu'il faut de la résolution, pensai-je en moi-même, et armant mon fusil, je m'élançai au secours des chiens qui attaquaient bravement l'ennemi. À peine avais-je eu le temps d'apercevoir l'ours qui s'avançait vers nous, qu'à mon grand effroi, j'en vis un second sortir du taillis et se diriger du côté de son compagnon. Fritz coucha bravement en joue l'un des terribles animaux et je me chargeai de l'autre. Nos deux coups partirent en même temps, mais par malheur, ni l'un ni l'autre ne furent mortels, car les chiens pressaient l'attaque avec tant de fureur qu'il nous fut impossible de trouver le moment de lâcher notre second coup, tant nous craignions de frapper l'un de nos braves défenseurs. Toutefois, ma balle avait brisé la mâchoire inférieure de l'un des ours, de manière à rendre ses morsures peu dangereuses, et celle de Fritz avait traversé l'épaule du second, de sorte que ses étreintes étaient désormais plus désespérées que redoutables. Les chiens, paraissant comprendre leur avantage, redoublaient d'efforts et multipliaient leurs morsures. Enfin, impatient de terminer la lutte, je pris un pistolet dans ma main droite et, m'approchant du plus terrible des deux animaux, je lui lâchai le cou dans la tête tandis que Fritz, se portant sur le second, lui traversait le cœur. « Dieu soit loué !» m'écriai-je en les voyant tomber avec un sourd mugissement. « Voici une rude besogne achevée. Grâce soit rendue au ciel qui vient de nous délivrer d'un terrible danger. » Nous demeurâmes quelques minutes à contempler notre victoire dans un muet étonnement. Les chiens qui s'acharnaient sur leur proie ne nous laissèrent bientôt aucun doute sur le trépas des deux terribles animaux. Dans ce moment, Jack entonna son chant de victoire et je le vis prendre sa course pour ramener Ernest sur le champ de bataille. Toutefois, celui-ci se tint prudemment à l'écart jusqu'à ce que les cris de Fritz et les miens lui eussent apporté le témoignage de notre complet triomphe. Lorsqu'il fut près de nous, je lui demandai pourquoi il nous avait laissés en arrière. « Ah » reprit-il d'une voix encore tremblante, « je voulais effrayer Jack en imitant le cri d'un ours lorsque je le verrais s'approcher de la caverne, et pour me punir, le ciel a permis qu'il s'y trouvât justement de véritables ours. Moi, Dieu seul sait juger quand il convient de châtier nos mauvaises pensées, et à lui seul appartient la mesure du châtiment. Il est certain que ton projet n'était rien moins que louable, car la peur la plus innocente peut avoir les résultats les plus funestes, et peut-être le pauvre Jack aurait-il éprouvé plus de mal du faux ours que toi du véritable. Fritz, voyez, cher père, de quel monstre nous avons débarrassé la terre. Le plus gros a bien 8 pieds de long, et l'autre pas beaucoup moins. Moi, quoique nous n'ayons rencontré aucune trace de serpent, nous n'avons pas moins travaillé pour notre sûreté future en nous délivrant de ces terribles ennemis. Jack, comment se fait-il qu'on rencontre de pareils animaux dans ces contrées? Je croyais que l'ours est un habitant des pays froids. Moi, en effet, je ne sais trop comment expliquer leur présence sous un pareil climat, à moins de supposer que nous ayons sous les yeux une espèce particulière, et c'est une question que je ne suis pas assez savant pour décider. On a bien rencontré des ours dans le Tibet. Cette grave question avait peu d'importance pour nos jeunes chasseurs, encore tout entiers à la joie de notre miraculeuse délivrance. Ils se promenaient avec orgueil autour des doux monstres abattus, contemplant leurs blessures, leurs dents terribles et leurs puissantes griffes. Nous admirions en même temps la force de leurs épaules et de leurs reins, la grosseur de leurs membres, l'épaisseur et la richesse de leur fourrure. À présent, qu'allons-nous faire de notre miraculeux butin? Demandai-je enfin à mes compagnons. Fritz, il faut commencer par les écorcher. La peau nous fournira d'excellentes fourrures. Ernest, une de ces peaux me conviendrait assez pour me servir de lit de camp dans des expéditions aussi fatigantes que celle-ci. Je mis fin à la délibération en exhortant chacun à commencer au plus vite ses préparatifs de départ, car l'heure avançait et il fallait être de retour le lendemain de grand matin avec notre attelage. En outre, ajoutai-je, plusieurs de nos chiens ont reçu de légères blessures pour lesquelles les soins de votre mère sont indispensables. Vous êtes vous-même trop épuisé de cette longue marche et de notre combat pour songer à passer ici une nuit fatigante et peut-être périlleuse. Mon projet de retour reçut une approbation générale, car depuis l'apparition des ours, personne ne se souciait de passer la nuit dans un si redoutable voisinage. Mes compagnons ne furent pas fâchés non plus de se voir débarrassés de leurs œufs d'autruche que je leur conseillais de laisser enfouis dans le sable chaud jusqu'à ce que nous eussions le loisir de retourner les prendre avec les précautions convenables. Après les avoir placés à une certaine profondeur afin de les dérober aux attaques des chacals et des autres animaux de proie, nous quittâmes ce lieu de terreur et de triomphe. La perspective d'un bon gîte et d'un souper réconfortant semblait nous donner des ailes, et toute fatigue était oubliée. Le soleil se couchait lorsque nous arrivâmes au camp où l'accueil ordinaire nous attendait. Par bonheur, il ne restait plus rien à faire au logis, et nous ne pouvions assez remercier ma femme d'avoir tout préparé pour un repas dont nous avions si grand besoin. Naturellement, l'entretien roula sur notre dernière aventure, dont les détails héroïques frappèrent d'admiration les oreilles étonnées de nos deux auditeurs. La conclusion du récit fut une invitation pressante à se rendre le lendemain sur le champ de bataille avec armes et bagages pour y délibérer sur le parti à prendre relativement à notre importante capture. Ma femme me raconta à son tour qu'elle n'était pas demeurée inactive durant notre absence. Avec l'aide de Franz, elle s'était frayé un passage à travers le taillis jusqu'au rocher le plus voisin, au pied duquel ils avaient découvert un lit considérable d'argile qui peut-être nous fournirait plus tard de la porcelaine. Elle prétendait aussi avoir reconnu une espèce de fève sauvage grimpante qui s'attachait comme le lierre aux tiges des grands arbres. Enfin, ils avaient employé les bêtes de somme à transporter une provision de bambou pour nous préparer les premiers matériaux de l'édifice projeté. Je la remerciai de ses peines dont je comptais tirer parti en temps convenable. Pour commencer le cours de mes expériences, je pris une couple des morceaux de l'argile nouvellement découverte et je les plaçai au milieu d'un grand brasier allumé pour la nuit. Nos chiens firent le cercle accoutumé autour du foyer et les enfants, fatigués, s'étendirent sous le toit léger de la tente. Après avoir allumé une de nos torches, je pris ma place à l'entrée et bientôt le ciel fit descendre sur notre habitation un sommeil bienfaisant. Le lendemain, mon premier soin fut de courir au foyer où je trouvai mes deux morceaux d'argile parfaitement vitrifiés. Seulement la fusion avait peut-être été trop rapide, inconvénient auquel je me proposais de remédier plus tard. En un instant, nos devoirs de piété furent accomplis, notre déjeuner avalé, le chariot attelé, et nous prîmes le chemin de la caverne dans le voisinage de laquelle nous arrivâmes bientôt sans le moindre accident. Au moment où l'entrée de la caverne commençait à s'apercevoir, Fritz, qui nous précédait de quelques pas, s'écria à demi-voix « Alerte ! Alerte ! Si vous voulez voir une troupe de coqs d'Inde qui nous attend probablement pour célébrer les funérailles des défunts, mais il paraît qu'il y a là un veilleur de mort qui les tient à distance du lit mortuaire. » Après avoir fait quelques pas en avant, nous aperçûmes effectivement un gros oiseau dont le cou dépouillé et d'un rouge pâle était entouré d'un collier de plumes blanches descendant sur la poitrine. Le plumage du corps et des ailes me parut d'un brun foncé et ses pieds crochus semblaient armés de serres redoutables. Ce singulier gardien tenait l'entrée de la caverne comme assiégé, de manière à en interdire l'approche aux oiseaux plus petits qui planaient au-dessus des cadavres. Il y avait quelques instants que nous considérions ce bizarre spectacle lorsque j'entendis au-dessus de ma tête comme un bruit pesant d'ailes, et en même temps j'aperçus une grande ombre se projeter sur le sable dans la direction de la caverne. Nous nous regardions tous avec étonnement lorsque Fritz fit feu en l'air et nous vîmes un oiseau énorme tomber sur la pointe du rocher où il se brisa la tête, tandis que son sang s'échappait par une large blessure. Un long cri de joie succéda à notre silence, et les chiens s'élancèrent sur les traces de Fritz au milieu d'une nuée d'oiseaux sauvages qui nous saluaient de leurs cris discordants. Cependant, le gardien de la caverne hésita encore à abandonner son poste. Enfin, lorsque Fritz n'était plus qu'à une portée de pistolet, il se leva lentement à notre grand regret et s'élançant dans les airs d'un vol majestueux, nous le vîmes bientôt disparaître à nos regards. Mais Ernest abattit encore un retardataire. « Ah ! » dis-je à Fritz, « voilà de diligents croque-morts. Encore un jour, et ils nous auraient épargné toute la peine des funérailles. Ce sont de véritables tombeaux vivants, où les cadavres disparaissent aussi vite et aussi sûrement que dans le meilleur sarcophage. » À ces mots, j'entrai avec précaution dans la caverne, et je reconnus avec joie que les deux cadavres étaient encore intacts, à l'exception des yeux et de la langue. Je me félicitai de ce que nous étions arrivés à temps pour sauver le reste. Alors commença la visite de nos deux victimes ailées, dont l'odeur ne trahissait que trop la naturelle espèce. Toutefois, ma femme ne renonçait pas à son idée favorite que nous avions devant les yeux des poules d'Inde. Après un examen approfondi, il fallut se résoudre à les reconnaître pour des oiseaux de proie, l'un pour le vautour noir ou le rubu du Brésil, l'autre pour le condor. Nous nous mîmes en devoir de dresser notre tente à l'entrée de la caverne, de manière à appuyer son extrémité sur le rocher. En faisant tomber quelques éclats de pierre qui gênaient notre travail, je m'aperçus que l'intérieur du rocher était formé d'une espèce de talc traversé par des veines d'asbeste. Je reconnus aussi, dans les fragments, quelques traces de vers fossiles dont la découverte me charma. Il s'agissait maintenant de dépouiller sans retard les deux terribles animaux. Pour rendre l'opération plus facile, nous les suspendîmes à une forte tige de bambou solidement fixée dans le sol de la caverne, pendant que ma femme était chargée de construire un foyer et de déterrer les œufs d'autruche afin de les exposer aux rayons du soleil. Les deux ours me donnèrent beaucoup de peine, tant à cause de la difficulté de l'opération qu'en raison de l'adresse dont il fallait faire preuve pour dépouiller la tête sans gâter la peau. Mais à propos, que voulez-vous faire de ces deux têtes ? Demandai-je aux enfants lorsque je fus venu heureusement à bout de mon entreprise. « Fritz, nous en ferons des masques de guerre pour aller à la rencontre des sauvages. Les insulaires de Tahiti et des îles Sandwich ont coutume d'emporter de pareils. Ernest, il vaudrait bien mieux nous en faire des manteaux à la manière des anciens Germains, en conservant la tête en guise de casque, de façon que la gueule béante paraisse menacer l'ennemi. Moi, nous verrons à nous décider. » Lorsque j'aurai mis la dernière main à mon ouvrage. Peut-être faudra-t-il nous contenter d'en faire un nouvel ornement pour notre muséum. Nous ne quittâmes notre travail que pour obéir à la voix de ma femme qui nous annonçait l'heure du dîner. Remarquant à la fin du repas un reste d'eau tiède dans la marmite, j'appelai les enfants pour leur dire que je serais curieux de savoir dans quel état se trouvaient les œufs d'autruche, ajoutant que si l'intérieur était gâté, Je ne voyais pas la nécessité de nous charger plus longtemps d'un fardeau inutile. Fritz, mais comment saurons-nous à quoi nous en tenir? Faudra-t-il casser les œufs? Et dans ce cas, à quoi peut servir l'eau de la marmite? Ma femme, nous y plongerons les œufs, et si quelque mouvement se fait remarquer dans l'eau, qu'en faudra-t-il conclure pour la nature du contenu? Jack, ah, je comprends, mais pourquoi prendre de l'eau tiède? Ma femme, parce que l'eau froide ou bouillante amènerait infailliblement la mort du petit. L'épreuve eut lieu immédiatement, et elle nous donna la triste assurance que l'œuf était sans vie. Les enfants voulaient immédiatement briser la coquille, mais je m'y opposai, en faisant observer qu'elle pourrait nous servir en guise de tasse ou d'écuelle. Fritz, j'aurais pourtant grand plaisir à voir si l'autruche est déjà formée. Moi, eh bien, partage la coquille en deux moitiés, comme les calebasses, de manière qu'elle nous puisse être de quelque utilité. Fritz, elle est trop dure pour que je vienne à bout de la partager avec un simple fil. Moi, je le pense comme toi. Nous allons donc avoir recours à un moyen plus puissant. Prends un cordon de coton que tu tremperas dans le vinaigre. Maintenant, entoure l'œuf de ton cordon que tu auras soin d'humecter de vinaigre frais à mesure que l'ancien se desséchera. Et nous ne tarderons pas à voir le cordon pénétrer peu à peu la substance calcaire de la coquille et parvenir bientôt à la partie molle de l'œuf. Alors, la coquille se séparera sans peine en deux parties égales qui deviendront de vraies écuelles. Le reste du jour s'écoula rapidement parmi les travaux divers qui nous occupaient. Toutefois, je finis par songer à mes tortues qui, depuis la veille, étaient demeurées dans ma gypsière. Après les avoir plongées dans l'eau et leur avoir présenté quelque nourriture, je les fis tomber au fond d'un sac qui dut leur servir de demeure jusqu'à notre retour à l'habitation. Chapitre 12. Préparation de la chair de l'ours. Le poivre. Excursion dans la savane. Le lapin angora. L'antilope royale. L'oiseau aux abeilles et le ver fossile. J'employai encore un jour avant de terminer mon travail. Après avoir enlevé les peaux avec assez de succès, je partageai le corps par quartier en ayant soin de mettre les pieds à part. Le reste de la chair fut coupé par tranches à la manière des boucaniers des Indes occidentales. Quant au lard que j'avais réservé avec le plus grand soin, ma femme se chargea de le fondre afin d'en faire usage dans la cuisine en guise de graisse ou de beurre. Les deux ours et le pécari nous donnèrent environ un quintal de graisse fondue que je fis enfermer dans un baril de bambou afin d'en opérer le transport plus commodément. Les carcasses et les entrailles furent abandonnées aux oiseaux qui en eurent bientôt fait disparaître jusqu'à la dernière trace. Grâce à leur activité, les deux crânes se trouvèrent en état de figurer avec honneur dans notre cabinet d'histoire naturelle. Les peaux furent salées, lavées et séchées après avoir été nettoyé aussi parfaitement que possible à l'aide de nos couteaux. Pour préparer notre viande, je me contentai d'entretenir continuellement autour d'elle une épaisse fumée, et comme nous nous trouvions trop loin pour mettre à contribution les feuilles du Ravensara, il fallut nous contenter des arbrisseaux voisins, au milieu desquels nous eûmes le bonheur de rencontrer plusieurs bois aromatiques. Je remarquai une plante grimpante dont les feuilles fortement odorantes présentait une grande analogie avec la feuille de lierre. La tige, presque semblable au cep de vigne, portait comme lui des espèces de grappes de petites baies, moitié rouges, moitié vertes, ce que j'attribuais à leurs différents degrés de maturité. Le goût en était si piquant et en même temps si aromatique que je n'hésitais pas à prononcer que nous venions de découvrir la vraie plante à poivre, découverte précieuse dans un climat où les épices sont d'un si grand usage et d'une si grande utilité. Les enfants furent chargés de me rapporter une provision de ces petites grappes dont nous détachâmes les baies en ayant soin de séparer les rouges et les vertes. Les premières furent mises dans une infusion d'eau de sel et les autres exposées aux rayons du soleil. Le lendemain, nous les retirâmes de l'eau pour les frotter dans nos mains jusqu'à ce qu'elles fussent devenues blanches comme la neige. Nous obtînmes ainsi, en peu de temps, environ 25 livres de poivre blanc et de poivre noir, provisions suffisantes pour nos premiers besoins. J'eus soin également de faire mettre à part un certain nombre de rejetons de cette plante précieuse, afin d'en essayer la culture dans le voisinage de notre demeure. Ce travail terminé, voyant que nous n'avions plus rien de pressé à entreprendre, je résolus de mettre à l'essai les forces et le courage de mes jeunes compagnons. Ils reçurent donc la permission de se préparer à une seconde excursion dans la savane pour s'y livrer à la chasse ou à de nouvelles découvertes. Tous acceptèrent la proposition avec joie, à l'exception d'Ernest qui demanda et obtint la permission de rester auprès de nous. Franz, que j'aurais préféré retenir, me supplia si instamment de le laisser partir avec ses frères qu'il me fut impossible de résister à ses prières. Aussitôt, les trois voyageurs s'élancèrent vers leur monture qui paissait tranquillement à quelques pas de la grotte et tout fut bientôt prêt pour le départ. Ernest aida ses frères de la meilleure grâce en leur souhaitant d'heureuses rencontres et une suite non interrompue d'aventures et de découvertes. « Les voilà abandonnés à la providence de Dieu, » pensai-je alors en moi-même, « livrés à leur propre prudence et à leurs propres ressources. » Le ciel peut leur enlever notre protection d'une manière imprévue, et il faut qu'ils se tiennent prêts à tirer toutes leurs ressources d'eux-mêmes. Au reste, je suis plein de confiance dans le courage et le sang-froid de Fritz. D'ailleurs, les voici bien montés, bien armés, et ce n'est pas la première occasion où ils auront montré du cœur et de l'intelligence. Que le ciel les accompagne, ajoutai-je en soupirant. Celui qui a ramené deux fois les fils de Jacob à leur vieux père, étendra sa protection sur les trois enfants d'un de ses plus fidèles serviteurs. À ces mots, je retournai paisiblement à mon travail, pendant qu'Ernest se livrait à son expérience sur l'œuf d'autruche. Bientôt, il s'écria « La coquille est traversée, mais l'œuf ne se partage pas encore. Ah, j'aperçois le poussin. Il ne reste plus qu'une pellicule assez tendre pour la trancher avec le couteau. » C'est fort bien, mais tu aurais dû t'attendre à rencontrer cette pellicule. Car tu as assez brisé d'œufs dans ta vie pour en observer l'existence. Les œufs ne sont, dans l'origine, qu'une simple pellicule autour de laquelle se forme, plus tard, l'enveloppe calcaire que nous appelons la coquille. Je lui présentai mon couteau, à l'aide duquel il eut bientôt achevé l'opération, si longtemps attendue. Lorsque les deux moitiés de l'œuf furent séparées, nous trouvâmes l'intérieur en assez bon état. Seulement le poussin était sans vie, et je conjecturai qu'il lui aurait fallu encore 10 à 12 jours avant d'éclore. Au reste, nous résolûmes de le laisser dans sa coquille jusqu'au retour de nos trois chasseurs. Ernest vint alors m'aider dans mon travail, et après avoir détaché un bloc de talc assez considérable, nous eûmes le bonheur de découvrir une couche épaisse de verre fossile, autrement appelée sélénite. Pour le moment, je me contentai d'en détacher deux tables transparentes d'environ 2 pieds de hauteur, qu'il me sembla facile de fendre en carreaux de l'épaisseur d'un miroir ordinaire. Ma femme, ordinairement si indifférente à nos découvertes, ne put retenir l'expression de sa joie à la vue de cette mine précieuse qui lui promettait une riche provision de vitres, dont la privation nous avait été si pénible jusqu'à ce jour. Je doute fort que même en Russie, où se trouvent les plus riches veines de sélénite, il eût été commun d'en rencontrer une aussi précieuse, tant pour la grandeur que pour la transparence des échantillons. Ma femme prépara pour le souper un morceau d'ours mariné et nous fîmes cercle autour du feu en attendant impatiemment le retour de nos chasseurs. « Papa, me dit Ernest, ne pourrions-nous pas nous arranger ici une caverne comme celle de Robinson? La place est toute disposée et demande peu de travail. » Moi, je serais assez de cet avis, car elle a deux fois servi d'asile à des hôtes dangereux dont il faut prévenir le retour. D'ailleurs, elle est devenue trop importante depuis notre dernière découverte pour songer à l'abandonner. Ernest, nous planterons à une certaine distance de l'entrée 2 ou 3 rangs de jeunes arbres qui ne tarderont pas à former un rempart impénétrable et nous aurons une échelle pour nous introduire dans la forteresse. Une pareille retraite nous mettrait à l'abri de tout danger. Moi, fort bien, mon jeune ingénieur. Il ne s'agit plus que de trouver un nom à notre ouvrage. Le fort de la peur, par exemple? Ernest, non pas, je vous en prie. Le fort de l'ours serait une dénomination plus sonore et plus imposante. Moi, en effet, voilà un nom aussi imposant que convenable. Je suis très satisfait de ton imagination ce matin. Nous songerons à tes plans lorsque notre construction de là-bas sera un peu plus avancée. Ton projet mérite examen, puisqu'il laisse entrevoir les moyens d'exécution. Notre conversation fut interrompue à cet endroit par un bruit de pas précipités. Au même instant, nous vîmes nos chasseurs se diriger vers le camp avec des cris d'allégresse. Les trois cavaliers sautèrent légèrement à bas, permettant à leur monture d'aller retrouver les gras pâturages de la prairie. Jack et Franz rapportaient chacun un chevreau en bandoulière. Fritz avait sa gypsière pendue à l'épaule droite et le mouvement des courroies indiquait clairement la présence d'une créature vivante. « Bonne chasse !» s'écria Jack du plus loin qu'il m'aperçut. « Voici deux vigoureux sauteurs que nous avons poursuivis avec tant d'opiniâtreté qu'ils ont fini par se laisser prendre à la main. « Voyez, maman, voyez de nouvelles cravates à la Robinson. »« Oui !» s'écria Franz. Et Fritz a une paire de lapins angora dans sa gypsière. Nous aurions pu rapporter aussi un rayon de miel dont un coucou nous a montré le chemin. Vous oubliez le meilleur, interrompit Fritz à son tour. Nous avons fait entrer une troupe d'antilopes dans notre parc par l'ouverture de l'écluse, de sorte que nous pourrons les chasser tout à notre aise ou les prendre vivants si nous voulons. Moi, oh oh, voilà bien de la besogne. Mais Fritz oublie aussi la plus importante, c'est que Dieu vous a ramené sains et saufs dans les bras de vos parents. Et maintenant, faites-moi un récit détaillé de votre expédition, afin que je voie s'il n'y a pas à en tirer quelques bonnes résolutions pour l'avenir. Fritz, en vous quittant, nous descendîmes la prairie, et nous ne tardâmes pas à entrer dans le désert et à nous trouver sur une hauteur qui nous permettait d'embrasser d'un coup d'œil tout le paysage environnant. En promenant nos regards, çà et là, nous découvrîmes bientôt, auprès du gué du sanglier, deux troupes d'animaux que je pris pour des chèvres, des antilopes ou des gazelles. L'idée me vint aussitôt de les chasser du côté de l'écluse, afin d'enrichir notre vallée de ces nouveaux hôtes. Nous nous hâtâmes alors de prendre les chiens en laisse, sachant par expérience que les bêtes sauvages ne redoutent pas moins leur approche que celle de l'homme. Arrivés à une distance convenable, nous jugeâmes à propos de diviser nos forces. Franz se dirigea vers le ruisseau, Jack prit le milieu, et moi je m'élançai au galop vers le torrent. Une fois parvenus à nos postes respectifs, nous commençâmes à nous rapprocher insensiblement, chacun se dirigeant vers l'écluse. Lorsque les animaux nous aperçurent, ils commencèrent à manifester quelques surprises, penchant la tête de notre côté et dressant les oreilles avec inquiétude. Ceux qui étaient couchés se relevaient en sursaut, et les petits se réfugiaient sous la protection de leur mère. Mais ce fut seulement lorsque je me trouvai près du gué du sanglier que je les vis devenir tout à fait inquiets et faire mine de prendre la fuite. Alors je donnai le signal convenu. Les trois chiens furent lâchés à la fois. Pressant nos montures, nous nous élançâmes au milieu de la troupe effrayée qui se précipita en désordre vers le passage de l'écluse. Et bientôt, à notre grande joie, nous les vîmes disparaître dans les profondeurs de notre vallée. Je fis aussitôt cesser la poursuite en rappelant les chiens qui n'obéirent qu'à regret à nos cris réitérés. Moi, voilà qui est admirable, et maintenant je n'ai plus d'autre inquiétude que de savoir au juste à quoi nous en tenir sur le compte des nouveaux habitants de notre vallée. Fritz, il me semble avoir reconnu parmi les fuyards le bouc bleu, si rare maintenant au Cap, selon les récits des voyageurs. J'ai remarqué aussi plusieurs animaux qui de loin ressemblaient à de petites vaches, et d'autres de moindre taille, qu'à l'aspect de leurs cornes, j'ai cru reconnaître pour des gazelles. Moi, voici notre solitude peuplée de nouveaux habitants qui seront les bienvenus, pourvu qu'ils ne soient pas déjà parvenus à s'échapper de notre paisible domaine. Fritz, ce fut aussi ma première inquiétude, et nous tîmes conseil pour prévenir cette funeste évasion. Jack pensait qu'il aurait suffi d'attacher un des chiens à l'entrée du passage, mais je réfléchis que le chien finirait par ronger sa corde ou qu'il pourrait devenir la proie des chacals. Franz était d'avis de disposer un fusil dont la détente partirait d'elle-même au moyen d'une corde attachée aux deux extrémités du passage. Cette dernière idée m'en suggéra une plus simple, dont l'exécution ne présentait aucun obstacle. C'était de tendre une corde dans toute la largeur de l'ouverture et d'y attacher les plumes d'autruche que nous avions par bonheur conservées à nos chapeaux. Je pensais que cet épouvantail suffirait pour écarter des animaux aussi timides que l'antilope et la gazelle et les faire renoncer à tout projet d'évasion. Moi, à merveille, mon cher Fritz, ton expédient ne peut manquer de réussir, pour aujourd'hui du moins. Et cette nuit, les hurlements des chacals suffiront pour retenir les captifs dans notre paradis. Mais à propos, que vas-tu faire de tes lapins angora? Cet animal est trop nuisible pour lui accorder l'entrée de notre domaine. Fritz, mais, cher père, n'avons-nous pas à notre disposition deux îles désertes que nous pourrions peupler sans inconvénient de ces jolis petits animaux? En y faisant quelques plantations de choux et de navets, et en y transportant le superflu de nos patates pour la mauvaise saison, nous pourrons y laisser multiplier les lapins sans inquiétude. Ils nous fourniront une ample provision de fourrure pour notre chapellerie, car nous n'aurons pas toujours Ernest pour nous mettre en déroute une armée de rats castors. Moi, ton plan est excellent, et pour récompenser l'auteur, je lui en confierai l'exécution. Dis-moi maintenant, comment s'est passée la capture des lapins Angora? Fritz, nous en rencontrâmes une troupe à notre retour, dans le voisinage des rochers qui séparent la prairie du désert. Malgré toute la vitesse de nos montures et l'ardeur de nos chiens, il eût été impossible de s'en rendre maître si je n'eusse songé à me servir de mon aigle. Il fondit sur eux avec tant d'impétuosité qu'il les força de se blottir, et j'en pris sans peine un couple avec la main. Jack, sera-ce bientôt à notre tour de raconter, papa? Les lèvres me brûlent, et nos exploits à Franz et à moi ne sont pas moins mémorables. Moi, cela se comprend du reste. Des voyageurs aussi intelligents que vous ne manquent jamais d'aventures. Seulement, elles sont souvent d'une nature moins agréable. Dites-moi donc comment vous avez pris ces deux animaux. Jack, à la course, cher père, à la course. Mais il nous en a coûté de la peine, je t'en réponds. Pendant que Fritz courait sur les traces de ses lapins, nous continuions tranquillement notre route lorsque nous vîmes les chiens s'élancer vers un taillis d'où ils firent lever deux animaux que je pris pour des lièvres et qui s'échappèrent avec rapidité. Mais nous fûmes bientôt sur leurs traces et les chiens ne leur laissèrent pas une minute de repos. Au bout d'un quart d'heure, ils tombèrent épuisés de fatigue et nous reconnûmes dans nos prétendus lièvres deux jeunes fans dont la capture est bien autrement importante. Moi, ce sont plutôt deux jeunes antilopes, si je ne me trompe. Elles sont les bienvenues. Jack, voilà, j'espère, une chasse intéressante. Je puis vous assurer que Sturm est un intrépide coureur. Il a forcé sa proie 2 minutes au moins avant Brummer. Mais il faut ajouter que Franz s'est rendu maître de sa prise sans avoir besoin de moi. Après avoir frotté de vin de palmier les membres fatigués de nos pauvres prisonniers, nous les chargeâmes sur nos épaules et remontant à cheval, nous eûmes bientôt rejoint Fritz. Vous pouvez penser s'il ouvrit de grands yeux à la vue de notre capture. Moi, si la chasse a bien réussi, d'où te vient ce visage gonflé que je regarde depuis une heure? As-tu fait la funeste découverte d'un essaim de moustique? Jack, mes blessures n'ont rien que d'honorable et de chevaleresque. En retournant vers l'habitation, nous remarquâmes un oiseau inconnu qui voltigeait autour de nous, s'arrêtant lorsqu'il nous avait précédés de quelques pas et reprenant son vol aussitôt que nous l'approchions, comme s'il eût voulu nous guider vers un but inconnu ou bien se moquer de nous. Franz était du premier avis et moi du second. Je saisis donc mon fusil et j'allais ajuster le mauvais plaisant lorsque Fritz m'arrêta en faisant la réflexion que mon arme étant chargée à balle, il pourrait bien m'arriver de manquer mon coup. « Il vaut mieux, ajouta-t-il, suivre ce singulier oiseau pour savoir où il veut nous mener. Je suis presque tenté de croire que c'est l'oiseau aux abeilles dont j'ai lu la description. » Le conseil de Fritz fut suivi, et nous ne tardâmes pas à arriver près d'un nid d'abeilles placé dans la terre et autour duquel les jeunes essaims voltigeaient en bourdonnant comme autour d'une véritable ruche. Nous fîmes halte aussitôt pour tenir conseil sur le plan d'attaque. Mais en dépit de toute notre sagesse, rien ne se décidait. Franz se rappelait trop bien sa mésaventure de Falkenhorst pour se hasarder une seconde fois dans un combat contre ses redoutables ennemis. Fritz, en général habile, se montrait plein d'ardeur pour le conseil, mais peu zélé pour l'exécution. Le plus court, selon lui, était de détruire les seins avec les mèches soufrées dont nous avions justement une provision avec nous. Sauter à terre, allumer une mèche, l'introduire dans l'ouverture de la ruche, tout cela fut l'affaire d'un instant. Mais aussi, quelle révolution s'ensuivit! Jamais je n'aurais pu penser que de si faibles animaux puissent offrir un spectacle aussi formidable. On eût dit que la terre vomissait des essaims d'abeilles. J'en eus bientôt un nuage autour de moi, et elles ne tardèrent pas à me mettre le visage dans l'état où vous le voyez, si bien qu'il me resta à peine le temps de m'élancer sur mon coursier, de prendre la fuite au grand galop. Moi, voilà le châtiment de ton attaque imprudente. Tout en louant tout courage, il faut blâmer ta témérité. Maintenant, va trouver ta mère qui te lavera le visage afin de calmer la douleur de tes blessures. Pour nous, Occupons-nous de délivrer nos pauvres prisonniers, et je vous ferai part à mon tour du résultat de mes découvertes. En dernier lieu, nous nous régalerons d'un plat de pieds d'ours que votre mère va nous préparer. » Sans perdre un instant, j'employai tous nos travailleurs à tresser des baguettes qui reçurent la forme d'un panier arrondi de dimension ordinaire. Notre ouvrage terminé, je fis mettre un peu de foin au fond de cette nouvelle prison qui reçut aussitôt les deux jeunes antilopes. C'étaient effectivement de charmants animaux. Ils n'avaient pas plus de 10 à 12 pouces de hauteur et leurs membres fins et délicats ne pouvaient laisser aucun doute sur leur espèce. Après avoir fermé l'ouverture du panier, je pris la peine de le suspendre à un arbre afin de mettre ses habitants à l'abri de tout danger. L'expérience avait si bien réussi que nous résolûmes d'adopter le même système relativement aux lapins angora. Pendant ce temps, les enfants se disputaient assez vivement pour savoir dans quelle partie de notre domaine nous lâcherions les antilopes. Les uns prêchaient pour le lieu le plus voisin de notre habitation. Les autres proposaient l'île destinée aux lapins parce qu'en prévenant toute évasion de la part de nos légers prisonniers, elle les mettait à l'abri de la dent des chiens. Le premier parti promettait plus d'agrément, mais le second présentait plus de sécurité. Ce fut donc celui que j'adoptai, car la première question pour moi était la sûreté de nos nouveaux hôtes. J'avais aussi l'espérance de les voir bientôt se multiplier et peupler leur retraite de la manière la plus agréable pour nous. L'île aux requins fut choisie pour le parc futur, comme la plus voisine de notre demeure. Et les enfants reçurent ma proposition avec plaisir, car leur premier vœu était la sûreté et le bien-être de leurs jolis prisonniers. Ce qui préoccupait le plus vivement ma femme, c'était la conduite de l'oiseau qui avait guidé les enfants avec tant de confiance vers la ruche souterraine. L'homme n'était donc pas inconnu dans cette contrée, que j'avais cru inhabitée jusqu'alors. Et comment l'oiseau pouvait-il avoir appris que le miel est une riche proie pour le chasseur qui ne laisse jamais son industrie sans récompense? L'intérieur du pays serait-il habité? Et par quelle race d'hommes? Ou bien l'oiseau exerce-t-il son instinct au profit des singes, des ours et de tous les animaux amateurs de miel, aussi bien qu'au profit de l'homme? On pouvait croire aussi, sans invraisemblance, que l'oiseau, au bec impuissant, avait besoin de l'aide d'un animal plus vigoureux lorsque son instinct lui avait fait découvrir un nid d'abeilles dans la fente d'un rocher ou dans le tronc d'un arbre. En attendant, je résolus de redoubler de zèle et de surveillance afin de prévenir toute catastrophe imprévue. En conséquence, non content de mes premiers projets de fortification, je conçus un second plan qui consistait à élever une batterie de 2 canons sur la pointe la plus haute de l'île aux requins afin de protéger le passage du côté de la mer. Je songeai en même temps à changer le pont du ruisseau du Chacal en un pont-levis ou en un pont tournant. Pour achever les merveilles de cette mémorable journée, je fis voir aux chasseurs mes échantillons de vers fossiles, dont la découverte excita une satisfaction générale. Mais la joie redoubla lorsque ma femme vint nous appeler pour le repas et fit paraître à nos yeux le fameux rôti de pied d'ours. Au commencement, personne n'en voulait goûter, parce que l'un de nous eut le malheur de la retrouver une ressemblance éloignée avec la main de l'homme, sur quoi Jack s'était écrié, comme l'ogre du petit pousset, « Je sens la chair fraîche ». Mais lorsque les morceaux furent découpés, le fumet qui s'en éleva fit disparaître toute répugnance et chacun se vit forcé d'avouer que nous avions là un rôti des plus délicats. Après le dîner, je fis allumer les feux de nuit et préparer des torches pour le cas où ils viendraient à s'éteindre. Car durant notre séjour dans la caverne, nous avions toujours la nuit de grands feux allumés, tant pour prévenir l'attaque des animaux sauvages que pour achever de fumer notre chair d'ours, dont la préparation nous eût retenu trop longtemps sans cette précaution. Le ciel nous envoya bientôt un sommeil paisible et qui ne fut troublé par aucun accident fâcheux.